Bonsoir. Vous écoutez From Jazz to Jazz. Non, je plaisante. From Jazz to Jazz. Eh ben, c'est pas moi. Parce que moi, c'est Nuisance. Et Nuisance, c'est sur Canal Sud. Et Canal Sud, c'est où vous êtes. Et blablabla, et blablabla. Et là là là, et là là là. Mais c'est pas de la nuisance, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire chier. Ce qu'on veut, c'est être pénible pour la vie, pour le reste du monde qui s'entoure de... Hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est fini. C'est le début de la fin qui est déjà... Thank you. c'est merde. Thank you. je suis d'accord, je trouve que ça fait un peu peur. Dire que l'anti-skating va jusqu'à 7 et ça c'est cool, ouais c'est cool parce que j'en ai rien à foutre, oui. Rien à foutre, oui. C'est pour pouvoir dire j'en ai rien à foutre. Juste pour pouvoir dire j'en ai rien à foutre, hein, rassurez-vous. Oui. Bien sûr que ça compte pour moi. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre, oui. J'en ai rien à foutre. Par exemple, ma stature. Prenons ma stature, par exemple. Elle est analo-numérique. Elle est anal-o-numérique. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, mon slip, quoi. Mon slip. C'est vraiment important pour moi. J'en ai rien à foutre. T'adores quand tu me regardes. Ouais, mon slip, c'est important pour moi. Faut pas vous entraîner avec ça. Moi j'ai un sugar en moins. Moi je suis du gosse. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. La beuglante atrophie. Dans la salle, s'il vous plaît, barrez-vous. C'est vrai. Oui, ce soir vous écoutez Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Également le téléphone, le 05 61 53 36 53 36 95. Nous sommes les malvenus. You are welcome. Alors, justement, quitte à être libre, autant mourir. Alors, je me suis dit, peut-être que libre ou mourir, c'est exagéré. On ferait peut-être mieux de nuancer notre langage, les potes. Parce que ils vont nous prendre pour des extrémistes. Je me suis dit ça, ouais. Je sais, c'est con hein, de se dire des trucs pareils. Hein. Il faut être stupide et complètement enculé, quoi, pour être un connard pareil, pour dire des trucs pareils à la radio. Mais c'est ce que je me suis dit. Alors, du coup, je me demandais si peut-être on pouvait un peu tamiser le discours, quoi. Nuancer, quoi. Raconter quelque chose d'horrifiant, par exemple, quoi. Tu vois, juste pour montrer un peu le panel d'échantillonnage, d'honnement, je veux dire, échantillonnement, nage, en âge, échantillonnement. Ouais. Fréquence qui manque là. Quand je fais ça, il y a une fréquence qui se barre. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait piquer les lèvres. Ça me pique les lèvres. Je crois que c'est l'électricité qui me pique les lèvres. Je crois que j'ai un qui la foutre. Est-ce que je sais? Non. Pourquoi je saurais d'abord? Parce que saucisse de Toulouse. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. L'émission, c'est Nuisance. démence stationnaire, des blatérances. J'en ai marre, vous faites que de la merde. Ouais, mais au moins on fait pas du cul quoi. On fait du caca. C'est pas du cul, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Thank you. éther, ascétique. Sud. Canal Sud est une radio associative depuis 1981. François Mitterrand était un président en France et il élabora un programme qui permit aux gens de communiquer les uns aux autres des informations par le biais de la radiophonie. Donc grâce à Radio Canal Sud et donc grâce à François Mitterrand, nous avons des radios libres en France actuellement et nous pouvons dire des choses dessus et nous pouvons communiquer avec les gens. Alors les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent des boutons. et ils appuient sur des touches et ils s'amusent et ils aiment bien aimer. Et les gens, ils aiment bien être. C'est pour ça qu'ils sont, les gens. Les gens sont parce qu'ils sont. C'est ça qui s'aime, le vrai. Pourquoi les gens ils ne nous disent pas ce qu'on pense? Pourquoi les gens ils ne nous disent pas ce qu'on pense? Atmosphère. me remerciez pas. Thank you. J'ai les mains moites et les pieds poites. Macadamia. talk, do stop talking. Do talk, do stop talking. Do talk, do stop talking. Do stop, do stop talking. Do talk, do stop talking. Do talk, do stop talking. je me laisse démesurément m'éclater une paroi de WC. Les water closets. Oui, les WC. Les toilettes. Eh ben quoi? Eh ben, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème alors? S'il n'y a pas de problème, c'est ça le problème. Oui. D'accord. On est là alors? Ouais, on est là. Alors, ça veut dire quoi? Je sais pas. Je ne sais plus rien. Rien, non. Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Non, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien parce que je ne veux pas savoir. Parce que n'est pas. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. So there is something to say. Just don't know what it is. So there is something to say. Just don't know what. So there is something to say. Just don't know what it is. Just don't know what. So there is something to say. Say. Just don't know what. So there is. Just don't know what it is. Something to say. Just don't know what. So there is. So there is something to say. So there is something to say. So there is. c'est obligé, ouais. On n'y peut rien. On va tous finir à terre et aggraver la situation. Non. Obstruante. D'une raison. Désobligeante. Et ça, ça devait être chiant parce que maintenant il y a quand même pas mal de trucs pour les gauchers. Puis quand il t'explique quelque chose, faut que tu fasses l'intervention. C'est pour ça qu'au début, le premier truc, tu plantes. Remarque. La peine. Qui en est obligé à écrire à droite. De la personnalité. Qui de façon intransigeante ne se permet pas de se dépermettre. Va te faire mettre. Après ça se travaille. Le fluide est liquide. T'as les sons. Comme son. J'ai choisi d'adorer. Parce que c'est vrai que c'est la main qui a besoin de plus de force, plus que celle-là. Parce que celle-là, la force du son, tu peux l'obtenir par la vie. C'est aussi une question de rapidité. Est une question qui n'a pas de réponse. Car quand on pose une question, on souhaite avoir une réponse. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est la merde. La vie, c'est dur. Et c'est doux. C'est facile et difficile. Sauf que la singularité, elle ne veut pas de la vie. La singularité, elle ne veut pas ce qu'elle veut, la vie, elle, la vie, ce qu'elle veut, la vie, ce qu'elle veut, c'est elle qu'elle veut, la vie, elle veut vivre là. Yes. Oui, c'est vrai. Alors je le dis, et je l'ai dit là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Que cette réponse-là, qui n'obstruit toujours pas la pensée, hein, qui déblatère la cause. Alors que la transigence, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La transigence, elle ne pose pas la question. La question, elle n'est pas posée. Elle ne se mène même pas. Elle ne se mène même pas. Elle non. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors que qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on n'a pas, qu'est-ce qu'on on n'est pas qu'on ce qu'on a. Fait? Parce que ce qu'est-ce qu'on fait, qu'on fait? C'est ce qu'on qu'est-ce est. Qu'on fait? Alors, pourquoi qu'est-ce qu'on pourquoi qu'est-ce pourquoi qu'est-ce hein qu'est-ce tu peux me le dire fait? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu peux me le dire? En fait? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qu'on s'il te plaît, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est comme ça. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tu m'en veux ? Est-ce que tu m'en veux ? Est-ce que tu m'en veux peut-être ? Est-ce que tu m'en veux peut-être ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est moi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Qu'est-ce qu'importe ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Cloporte ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Cloporte ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte ! Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Thank you. Résultat, ouais. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Elle habite chez lui avant d'aller en Angleterre. Cloporte. Si, apparemment, elle revient, il m'a dit, elle revient peut-être la semaine prochaine. Ou autre. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Un abruti qui a renversé de l'eau, c'est juste pas de dessus. Cloporte. Il a juste pas rallumé comme ça. Cloporte. Cloporte. Ça va, ça va, t'inquiète. Hein. C'est juste une enseigne. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Je suis arrivé que hier, mais ça fait deux semaines qu'on en parle déjà. Cloporte. Je suis bien, je suis tranquille. Souvent le soir, il est pas là. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Alors là, là t'as fait. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Après, attends, on est en septembre. Cloporte. J'attends moi pendant un mois, ça sert à rien que je regarde. Alors, j'ai été à Emmaüs, ils ont deux mois. Cloporte. Cloporte. Il manque de personnel, c'est manque de bénévoles. Cloporte. J'ai regardé, il y avait 10 millions de pages. Maintenant, il y a tout le monde qui va. Cloporte. Quand les gens ils ont des thunes parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver des bons trucs. Cloporte. Comme je te l'ai pris un peu à la TV. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Il y a même ce. Il y a des gens Cloport. Qui font ça pour chiner. Ouais, mais après, c'est vrai que quand même, pour chiner certains trucs, tu vois, c'est pas mal quoi. Genre, même pour des scuds, des Cloport. Trucs comme ça, moi je cherche une vieille platine. Cloport. Que normalement ça vaut trop de thunes, tu vois, sur Discog et là. Cloport. Ouais, ça peut arriver. Parce que là, je regarde jamais, parce que je me dis, il y a assurément que de la merde. Cloport. Franchement, il y a des trucs, moi je sais qu'à un moment j'avais. Cloporte. Il y a aussi, tu vois, alors le problème de ça, c'est que après, c'est le cas pour ces fameux meubles type scandinave, tu vois. Cloporte. Donc, il y a des gens, s'ils le vendent pas trop cher, Cloporte. Ils le vendent plus cher derrière. Donc, ils sont obligés quand même de le mettre un. Cloporte. Ils font les vides greniers et tout ça pour revendre après. Ceux qui arrivent le plus tôt, prennent les meilleurs trucs. Cloporte. Mais moi non plus. D'ailleurs, Cloporte. Je regardais un reportage sur Emmaüs, même sur Paris, tout ça, il y a quand même des. Cloporte. Genre, le gars, il avait. C'est interdit. Cloporte. C'est interdit d'avoir une canette de bière dans sa chambre. Le gars, un soir, il avait une canette Cloporte. De bière. Cloporte. Il s'est fait virer dedans. Bah ouais, mais c'est dans beaucoup de foyers après. Cloporte. Tu te retrouves sur un paille. Ah oui, mais carrément, mais après, mais dans des foyers. Cloporte. Les mecs ils savent très bien qu'il y a quand même des putains d'addictions, bah, interdiction de Cloporte. Jouer, boire, machin. Alors que, bah ouais, attends, les mecs ça fait 20 ans qu'ils sont ça, comment tu veux qu'ils s'endorment sans sa bibine ou son truc, tu vois, enfin... C'est sûr, c'est pas les gens comme ils sont aussi. Après le truc c'est qu'ils veulent quoi. Cloporte. Ils veulent minimiser le trafic, mais je suis sûr qu'il y en a quand même. Aussi d'avoir un Cloporte. Même en interdisant. En interdisant, même si les gens. On va interdire le sac. Cloporte. Dans pas mal de structures en général. De toute façon, c'est normal. Cloporte. Si les ils trouvent deux gens en train de faire des trucs, c'est. Cloporte. Tu vois, ça c'est pas. Non, mais t'en as très peu des bons foyers. Cloporte. En galère. Ça me fait penser à la prison, quoi. Cloporte. Non, t'as le droit de sortir quand même. Ouais. Ouais, mais c'est un peu comme, tu vois, si t'es en semi-liberté, quoi. Ouais. Tu sais, les semi-libertés, c'est Cloporte. Pareil. Hein. Cloporte. Tu viens à ta cellule le soir, voilà, super, t'as pas le droit de boire. Cloporte. Tandis qu'au Canada, dans les prisons, au moins, ils... Cloporte. Les hommes voient leur femme le week-end. Donc tu peux avoir bu avant de revenir à la prison. Là, ils peuvent que continuer à être brisés. Cloporte. Il n'y a pas d'échappatoire et je pense que c'est pareil dans les foyers. Quoi. Cloporte. Pour les migrants et tout, c'est scandaleux. Hein. Les mecs, genre, ils se font piège. Cloporte. Genre, si tu ramènes un pote, Cloporte. Que des bails comme ça. Quand j'étais dans les foyers et tout ça, à chaque fois, il fallait se planquer, tu vois. Des fois, ils faisaient un Cloporte. Ils habitaient au rez-de-chaussée. Cloporte. Dans le quartier du Bishka, il y a une cloporte pour les anciens prisonniers. C'est, en fait, c'est un centre, on va cloporte. Dire. Et c'est pareil, moi, j'y suis allée une fois. Cloporte. Ça va, ça avait l'air plutôt pas mal. Quoi. Mais c'était, encore une fois, cloporte. Privilégié, pas très grand. Cloporte. Alors, c'est près, tout près du musée Georges-David. Cloporte. C'est vraiment côté canal, quoi, quasiment. C'est plutôt. Cloporte. Ça m'a étonné. Cloporte. C'était une réquisition qui avait été faite avec bah, la première créa. Cloporte. En fait, c'était genre des travailleurs sociaux qui en avaient ras le cul de travailler dans des. Cloporte. Et surtout, bah, les chiens des zonards, tu vois. Je connais pas ça. Du coup, bah, ils ont accepté ça, quoi. Genre, ils ont une certaine tolérance sur l'alcool et ils acceptent les chiens, quoi. Cloporte. Oui, c'est zéro produit, mais je n'entends pas. Cloporte. La prohibition, c'est en train que des. C'est une suite de merde. Cloporte. C'est vrai qu'ils revoient un peu leur règlement. Cloporte. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des tolards et tout, quoi, quand tu regardes. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Sound whispering. screaming down on the tunnels. Tunnels are sideways. They're glimpsing. You can tell they're wasted away. Have you heard the no? The no? The no. And clouds, and sky, and flowers, and salad. And death. Tomatoes. Tomatoes. Mayonnaise. Suck. Mayonnaise sucks. Spinard? Épinard? Spinach. Spinach. Like death. Spanish with butterfly on the Spanish. Spanish. With butterfly on the Spanish. Spaniard took my butterfly with a tarnish. Pete. Spit. Split. Split. Split. Splitting doesn't mean shit. It's not a word. It's one move, splitting. Splitting is like a little bird, blue. Blue little bird. Take a ploof and make a puff out of it. Puff. You cannot do splitting. It's forbidden. Language does not overwhelm. Language does not overwhelm. Le langage n'absout rien. Le langage n'absout rien. Cela fait seulement 6 fois, que cela font salement souffrir. C'est facile aussi, ces façons-là. Mais sans façon, c'est fou ça. Cela fait seulement 6 fois, que cela font salement souffrir. C'est facile aussi, ces façons-là. Mais sans façon, c'est faux ça. Si ces salauds savaient ce que je fus, c'est sûr qu'ils sortiraient de ces bouts. C'est con. Qu'est-ce qui est con? D'être sûr ou de le savoir? Jalousie, moi-même. C'est moi l'habite ici. I have nothing to say but penis. Penises. Sucks. Dick. Penis sucks dick? Penis sucks dick, man. Fucking dimensional gap. I piss on shit. Okay, let's switch mother. To English. Fuck my dad while he's dead in the hole. But that's glorious, maybe too nice for him. Shiny. And swelling, he blops in a goal. My goal is to see my father dead, because I got no stain in my head, man. Shall I offer you a beer? You can always offer me a beer, I can refuse, right? Yeah, you can shove it up your ass. I can shove it up my fucking bum if I want anyway, to. Anyway. But why would I do that? Because I don't want to drink it. So if I shove not it up really. My the fucking up my ass, I'll have beer up my ass and then I'll be drunk when I don't want to be drunk because I'm going to puke and vomit everywhere and blood and cum and jism in it. Okay. Then I could just offer the beer, so that would be just a present, but you don't drink it. Just a sip. Just a little sip. Could I? Okay. Maybe? From that one, yeah. Yeah, thanks. Thank you. It's yours? Yeah, be my guest. Thank you very much. Okay. Good hour. Good hour. It's been only 6 times that damn hurt me badly. It's easy to those ways. But no, thank you, if you need that. If them bastards knew what I have been, Sewell would have gone out of his... Of his what? Of his... minds. Je sais quoi. His minds? Je sais quoi. Of his mind. And what keeps Sewell going on? What not keeps out of his mind. What keeps you going on is that those bastards don't know what have been. That doesn't keep you going on because he doesn't know that they don't know because he's not them. Yeah, that's the big problem. But so it's not that. That's not what my question was. My question is what keeps you going on? What keeps me going on is that I'm not a believer. I don't trust any gods or stuff. I don't trust even humans. But I'm sure that in every human, you got like a parcel of godish stuff. Is that what keeps you going? Yeah, that keeps me going. And if I told you that human is God? No, I'm not sure that one human, that each human... No, I'm saying if I tell you... Humanity, like... No, I say humanity makes God, so God is human, human is God. Ah, yeah, I don't see it like that. It could be like seen from that angle, but my way to think, but if it's interesting, maybe it's not. Go on. It's that in each human there is a parcel, there is a small piece of like upper, like beautiful stuff. Why and only a small piece? Because like humans are imperfect and like don't get them. Imperfection is beautiful. Yes, might be, I don't know. Maybe the imperfection is small. I think that you can find God, or you can find the miraculous perfection in some bits that you take from each one of them humans. Of course! Yes, of course. Yeah, you got me. Of course! Yeah, that's great, thank you. Don't forget the radio. I'm the voice of the radio. I'm the spirit. I live here. Are you living there? Could you tell me to shut up? Shut up. Thank you. Cloport. Some really strange foldings. Cloport. Cloport. Cloport. Cloport. Cloport. Cloport. Cloport. Cloport. Be there, water, so water may carry us. Be there, water, so water may carry us. Be there, water, so water may carry us. Be there, water, so water may carry us. Be there, water, so water may carry us. Be there, water, so water can carry us. Be there, water, so water can carry us. Be there, water, so water can carry us away. Today, tomorrow, are we there yet? Look, look, look, look. Dead, I mean. Cela fait seulement six fois que cela font salement souffrir. Joli, on n'a encore rien dit. Parce qu'on n'a rien à dire. C'est facile aussi. C'est facile aussi. Et qu'on n'a encore rien dit. Ouais, c'est super facile, ouais. Come on up. Super facile, ouais. Join us. Like a piece of cheese, like a piece of cake. Et qu'on n'a encore rien dit. Cause I'm coming up. Et qu'on n'a encore rien dit. Like a piece of cheese, like a piece of cake. Et qu'on n'a encore rien dit. Piece of cake, of cheese. Give me some piece of cheese, give me a piece of cake, yo. A piece on the shoulder. Canal Sud. 92.2. Et qu'on n'a encore rien dit. Frequency modulation. 92.2. Canal Sud. 92.2. Canal Sud. Touch 4.2. Nuisance. Juge ne comment. Nuisance. Regarde, je vais t'imiter, Al. Regarde. Ouais, quoi, Christian? Qu'est-ce que vous êtes sur Canal Sud. Vous êtes. Merde. 92.2, that's c'est South typiquement China. Le genre de moment où il faut du I am. Je ne sais pas pourquoi. Oh, please. Mais oui. Oh, oui. Please, no. Des fois. No. Des fois. I'm gonna die, yo. Et comment elle s'appelle, celle qui chante Il est mort. Il est mort, le soleil. Elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Lisa. Porte. Non. Asylum. Asylum. She's coming straight from the asylum. Asylum. Asylum. My name is Lisa and she comes straight from the asylum. Ah, what's that? Ah. Are you coming up? Cela fait seulement six fois que cela font salement souffrir. C'est facile aussi, ces façons-là. Mais sans façon, s'il faut ça. Si ce salaud savait ce que je fus, c'est sûr qu'il sortirait de ses gonds. Mais c'est con. Car attention, tel un pitbull, je sors de la foule. Je te mords aux boules. Et attention à la rage. Donc reste sage si tu veux pas que je t'enchaîne. Parce que moi, je me déchaîne. Je reste là à poser mes phrases affalées sur le canapé. Et tandis que les autres se cassent avec le seul spliff à fumer, je suis dégoûté. Franchement, j'ai rien de plus à raconter. Je reste tout seul à tabler, face à mon texte, à ma feuille, toute vide, puisque là j'invente. Dans cette douce France, qui telle une fente m'accueille. J'habite à Vitry. Belle derrière endormie. Cette belle vitrée et cette belle endormie. La belle au bois dormant de Vitry. La belle au bois dormant de Vitry. Vais-je l'embrasser? Qui monte dans les voitures et qui prie à genoux. Ouais. Vas-y, prie à genoux, je te dis. À genoux. Ouais. Juste un bridou. Ton accent, tu crois qu'on l'a pris d'où? Putain. Ouais, franchement, con. Ouais. Cela fait seulement six fois, hein. J'ai ôté tout doute concernant mon sort. Je tâche de faire en sorte d'accomplir des choses avant d'être morte, car cette vie vaut de l'or. Je partirai pas ici. Avant d'avoir touché le Mordor. Non. Tandis que ce Mordor, je reste affalé, fatigué. Je vois ses yeux vitreux et perdu dans le vide. C'est de pire en pire, faut que je prenne un acide. Mais attention, mais qu'est-ce que tu viens de dire, Sioul? Sioul. Et le Louis. Tel Jésus de Nazareth, j'écrase mon mégot de cigarette. J'entame cette ligne. Pendant l'Aïd, yo, pendant l'Aïd. Pendant l'Aïd, on tue des moutons. Pendant l'Aïd, on bouffe des acides. Le mouton, c'est bon. On le prépare, on le tranche et on met on le un ton. Saut. On le ton. On le ton avant. Bien que ce ne soit pas du poisson. Il faut absolument regarder ce film. Le cochon de Gaza. Ah, il est bien, oui, je l'ai regardé moi aussi. Je conseille à tous les auditeurs, à l'audimat, à les auditeurs. Sperme de cochon. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Attention, je débarque de la foule, tel un pute boule, je te mords au boule et moi c'est sûr. Pourquoi je suis là? Parce que je me défoule. Ma feuille est restée vide. Faut peut-être que je mange un acide pendant la id. Où est-ce qu'il est mon briquet? Je reste là posé. Tu tends ta petite patte. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as une psychopathe? Elle veut de la meuf. Vas-y, va chercher Steph, il en a peut-être pour payer une taf. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Hey. Franchement. Bangladesh. Bangladesh. Vas-y, Bangladesh. Bangladesh. Cloporte. Cloporte. Cloporte. Thank you. bombe en nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net pour le vendredi 1er septembre 2017. Il est 23h35 après 2h33 d'enregistrement. Je dois vous avouer que je rends l'antenne à l'ordi de diffusion de Canal Sud qui diffuse plein d'obscénités insalubres et d'autres choses aussi diverses et variées que vous pourrez trouver sur l'antenne du 92.2 FM toulousain.